Политесс ou intelligence. Прослушайте текст и скажите, почему маленький Шарль не брал конфеты из коробки. Madame Bernard va souvent chez son amie Madame Dubois. Ce jour-là, elle lui rend aussi visite. Elle y va toujours avec son fils Charles. Charlot est trop petit pour aller à l'école maternelle et sa mère ne le laisse jamais à la maison seul. Elle est obligée de l'amener avec elle. Pour amuser l'enfant, Madame Dubois lui trouve une occupation. Elle lui donne un jeu de cartes. Le petit garçon commence à jouer. Dans la maison, il fait trop chaud. Les deux dames décident de prendre le café sur la terrasse car il fait beau dehors. Elles bavardent. Charlot joue aux cartes, mais tout à coup, il voit une boîte de bonbons sur la table. Il arrête de jouer et regarde les chocolats et les fruits confits sans bruit, sans parler. Madame Dubois voit que Charlot regarde les bonbons et lui offre la boîte. À sa grande surprise, le petit ne laisse pas ses cartes et ne touche pas les bonbons. Il les regarde quand même avec attention, mais continue à tenir ses cartes. « Je sais que tu es un garçon très poli, » dit Madame Dubois. « C'est par politesse que tu ne prends pas de bonbons. Voilà, je vais t'en donner moi-même. » Elle met la main dans la boîte et prend beaucoup de bonbons. Le garçon laisse tomber les cartes et accepte les chocolats avec plaisir. « Merci beaucoup, madame, » dit-il. « Je vous remercie bien. Mais ce n'est pas par politesse que je ne prends pas de bonbons moi-même. Ma main est très petite, mais la vôtre est beaucoup plus grande que la mienne. »